qu'est-ce que je fais? Tila, li, li, la, la, li, la, li, la, li, la, la, qu'est-ce que je fais?